Elle est finlandaise. Raymond? Raymond? Voyons, Raymond. Raymond Gauthier. Bon, la dame qui danse, qui chante, qui danse, qui danse, qui danse, qui danse, elle est finlandaise. Ben, elle vient de la Finlande, signifiant, voyons donc. Et, tu veux savoir son nom, son prénom? Fais attention, là. C'est pas traditionnel. Mais non, c'est ça, c'est finlandais. C'est Erja Littinen. T'aimerais ça que je répète, hein? Oh, il aime ça, lui. Il trouve que j'ai l'accent. Erja Littinen. Extrait de son album Songs from the Road. Puis là, vous vous demandez comment j'ai fait pour arriver à mon ami Erja. Ben, depuis 2019, le début de l'année, j'ai un budget pour me procurer des disques. Mais pas des disques cybernétiques, là, des fichiers, des FLAC, des MP3. MP3, je ne fais plus jouer ça depuis des années, là. C'est dépassé. Le son n'est pas à la qualité suprême que CKRL exige. Non, c'est correct, elle n'exige absolument rien. Mais c'est pour vos oreilles, mademoiselle. Elles sont frêles, elles sont fraîches. Elles sont encore Verdi. Pas le musicien Verdi, là, le classique Verdi. Non, Verdi dans le sens de vert. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas encore mûr, c'est vert. Verdi, c'est conjugué. J'ai conjugué quel verbe? Ben, le verbe verdir. Ben, Yoda, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone. Passez en note. Raymond, passez en note. On a une... Non. Ah ouais, vas-y. Allez-y, madame, on vous écoute. Avez-vous parlé? Avez-vous parlé? C'était Erja Littinen. Bon, alors, moi, j'ai plus de budget. J'ai un budget. Comment ça? Je dis un peu là, ce que mes bulles m'amènent à dévoiler. Puis mes bulles, là, j'en ai 8 dans le cerveau. Puis une sur le bout du doigt, mais je suis brûlé. Aïe, aïe, donc. Puis là, avant de parler de ma brûlure et de vous faire pleurer, sans doute, parce qu'on sait que vous êtes très, très, très proche de l'humanisme, On vous dit bonjour, vous riez. On vous dit salut, vous saluez. On vous raconte des histoires tristes, vous pleurez. On vous amène un rigolo. Vous le regardez, sans rigoler, en vous disant « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Ouais, ils l'ont échappé. Ils l'ont perdu. On l'a retrouvé. On va donner l'adresse. Pouvez... Oui. Pouvez... D'accord. Ça, il sur... On va barrer la... Il sauvera pas. Mais j'essaie de trouver mon... Je... Ah, c'est dans l'autre salle. Oh, mon Dieu. Parce que vous savez que nous faisons des émissions dans deux salles ici. Ah ouais, on est rendu productif. On t'en fait des émissions. Comme de la saucisse. Et puis, ben j'ai trois émissions. Dont une à CKRL, qui est la plus vieille. Oui, la plus vieille radio communautaire francophone au monde, mais aussi la plus vieille émission que moi, j'ai réalisée, que j'ai produite et que j'ai un plaisir fou à me retrouver avec vous à chaque nuit. Le lundi. On a voyagé, on a été aussi jeudi, on a... En tout cas. Et puis, donc, je me suis décidé en 2019, en début d'année. Moi, je ne fais pas des... Vous savez, il y a des gens qui prennent des... pas moi. Parce que je ne les tiens pas. Bon, quand tu ne les tiens pas, ben, t'en fais pas. Mais là, comme je suis dans la radio et que j'ai trois émissions, je me suis dit, il faut que tu te ressources, mon petit champion. C'est bien beau, le Frank Zappa. C'est bien beau Claude Nougaro, c'est bien beau Tom Novembre, c'est bien beau Sonic Youth, Nomzan, Bauhaus, Brigitte Fontaine, Velvet Underground, c'est bien beau ça, mais il faut que tu sois comme un mineur. Mineur de fond, je parle, mineur qui descend sous la terre. Alors, tu dois ausculter la musique. Tu dois faire des trouvailles. Et ça fait partie de mes trouvailles Erja. Je viens pas de digérer, là. C'est Erja Lilitinen. Je l'avais au début, là, mais là, je l'ai un peu moins. Mais c'est Erja Lilitinen. Et puis là, je me suis branché sur un site. J'ai commandé trois disques. Puis moi, ce que je veux avoir. Puis si vous faites des albums, là, si vous êtes un artiste, là, chanteur, compositeur, interprète, puis vous vous dites, ah, les albums se vendent plus. C'est vrai. Mais il faut trouver des stratégies. Moi, ce qui m'attire comme consommateur, parce que je suis con et sommateur, je suis les deux en même temps. Moi, je suis un con puis sommateur. Mais je suis plus con que sommateur. Surtout le samedi. Ah, oh, on dirait que tout s'arrête. On suit plus la routine de la semaine. On se réveille aux petites heures de la nuit. Puis après ça, on tombe par terre parce qu'on s'est mis le pied dans le bol de céréales qui était à côté du lit. Puis après ça, on fait trébucher 3-4 bouteilles de bière. Puis ah, oh, c'est des petites affaires de même, là. C'est merveilleux. Et donc, moi, comme consommateur, j'ai pas lâché le morceau, faites-vous-en pas, madame. Ce que je veux, c'est de la musique, mais pas juste de la musique. C'est intéressant, là, hein? Prenez des notes. J'aime bien aussi le support DVD. Parce que moi, je suis pas Blu-ray, hein. Je serai jamais Blu-ray. Oh mon doux Seigneur, Blu-ray. J'ai rien pour décrypter ça, pour extraire la bande audio de Blu-ray. Je sais que je dois avoir des programmes qui existent, mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Puis je crois jamais, en tout cas, jamais. Jamais, jamais, jamais je te dirai comment ma belle fille je l'ai rencontrée. Nous étions seuls et nous avons vu l'enfant qui était dans la rue. Oh, oh, oh, ne souris pas, non, ne souris pas. On sent le gaufré. Et puis, donc, le DVD m'intéresse beaucoup, moi. Alors, j'écoute le DVD avant, puis après ça, je place le CD. Et c'est comme ça que j'ai fait des trouvailles exceptionnelles. Et sur le site en question, il y a une étiquette de disque qui est arrivée comme ça, sans que je le sache. Monsieur le facteur, ding-dong! J'arrive, bonjour monsieur le facteur. Hey, vous commandez des affaires, vous, hein, sur Internet? Oui. Oui, pourquoi? Non, mais je suis toujours en train de faire ding-dong. Oui. Et puis... Non, je dis ça de même, là. D'accord. Voulez-vous que j'arrête d'acheter via les circuits cybernétiques? Et aimeriez-vous perdre votre emploi? Non, non, c'est pas ça que j'ai dit! Ben, hey, voyons donc, toi! Baisse les yeux! Bon, je vais signer. Bon, parfait, merci. Ben, je vous aime quand même, hein. Vous êtes courageux. L'hiver, hiver comme été, printemps comme automne. Vous êtes là, souriant, chialant un peu sur le bord de la babine. Mais c'est normal. Puis vous vous faites courir par les chiens. Moi, je vous ai vu, là, avant-hier. Deux gros chiens couraient après vous. Là, vous avez eu la chienne, vous aussi, hein? Bien beau que ce soit des petits, là, mais ça mord aussi. Dis, c'est pas parce que t'es petit que tu mords pas. Il sait, lui, Danny DeVito. Danny DeVito, le petit. Lui, il a du chien. C'est de l'humour. Lui, c'est un humoriste. Il fait de l'humour. L'humour, souvent drôle, souvent drôle. Mais le meilleur film de ce gars-là, c'est avec Billy Crystal. C'est J'ai sorti ma mort du train, quelque chose du genre. En anglais, c'est « I'm train and mother and the father and the mother ». Avez-vous vu celui-là? Voulez-vous que je répète? Je peux pas répéter. Non, non, non, non, non. Le temps est écoulé. Et je m'écroulerai aussi avec le temps. Avec le temps, je m'écroulerai dans les chemins basanés d'un été cancéreux. Ça, c'est mon côté de gauche. Ça, les chansons tristes, là. Je me releverai. Oui, le verbe relever. Je me releverai. Oui, voyons, attends un peu. Le verbe relever. Je me releverai. Je me releverai. Sans la peau qui restera collée sur le sol. Non, c'est pas bon, hein? C'est pas très bon. Mais quoi, c'est de la musique à texte, hein? Donc, quand on dit de la musique à texte, le texte colle plus que la musique. Puis, étrangement, le public décolle, lui. Hé, hey, restez! Restez, on n'a pas réporte! Vous pouvez pas partir avant la fin! Il reste encore 96 minutes! Donc, 27 chansons de mes plus grands succès! Restez pas d'émeute, s'il vous plaît! Ça, si j'ai mes émeutes en 15 spectacles, êtes-vous malade? Vous avez pas apprécié le grand talent? Je suis un poète! Musicien chanteur! J'ai la voix qui flanche, là, parce que je suis en tournée mondiale, là. Animonou. J'ai commencé Animonou, moi, je suis né Animonou. Je suis né sur la rue, la rue Vitré. Animonou Vitré. Vitré. Il faut l'éviter, hein. Il y a des nids de poules là-dessus. J'ai pété trois pneus. J'ai crevé trois pneus avec mon scooter. Puis heureusement, j'avais mes 10 pneus de rechange en arrière, moi là. Je roule en sécurité. Moi, c'est M. Reynald Sécurité Gagné. Enchantez-vous, c'est... Oh, incertitude boiteuse. Bon, d'accord, incertitude boiteuse. Êtes-vous plus boiteuse ou incertaine? D'accord. Avez-vous déjà rencontré Iggy Pop? Lui aussi, c'est un boiteux. On l'appelle l'iguane. Savez-vous pourquoi on l'appelle l'iguane? La jambe est plus courte. Il y a une des deux. Une des deux qui est plus courte. Je crois que c'est la gauche qui est plus courte. Moi, avec moi, toute la gauche, il passe, moi. La droite, ouais. Alors, je dois choisir si on doit m'amputer le bras droit ou le bras gauche. Oh, monsieur, ouais, mais je suis un droitier avec... Ouais. Peux-tu réfléchir, madame? M'autorisez-vous, mon Dieu, vous êtes gentil, vous. On dirait, êtes-vous infirmière auxiliaire? Vous êtes auxiliaire, mais pas infirmière. Ah ben, j'ai jamais entendu ça, moi. Vous n'êtes pas... Votre titre d'emploi, c'est... Vous savez pas. En tout cas, vous êtes formidable. Moi, là, j'adore, on sent vraiment la dame là, qui a vécu, puis qui adore son métier. Et surtout, qu'elle veut propager sa bonne humeur et sa joie de vivre devant des gens aussi écopés par la vie. Moi, je t'ai copé. Ça paraît-tu? Non, quand je parle pas, ça va bien, hein? Quand je parle pas, quand je ris pas, quand je regarde personne, faut que je plonge les yeux à terre. Mais vous savez, moi, lorsque je fais des lectures, ben, j'adore la poésie, hein, c'est le parent pauvre de la littérature. Comme la danse, pas la danse aquatique, mais non, moi, la danse aquatique. Non, c'est comme la danse contemporaine. C'est le parent pauvre, la danse contemporaine. Pense pas faire de l'argent avec la danse contemporaine. Faut, tu t'exprimes, tu fais parler ton corps. C'est une manière de rentrer en relation avec la création, avec les gens, avec avec la musique, avec tout ce qui nous entoure. Nous, les danseurs contemporains, moi, je suis un danseur contemporain, très danseur aussi, là. J'ai commencé à giguer, moi, en 72. C'est une belle histoire que je vais vous raconter là, en 72, pourquoi j'ai commencé à giguer. Mais je suis trompé. En 72, mon petit champion, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Nous, et c'est une histoire vraie. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est très vrai, là. La vérité propre. On l'a lavé, on a mis de l'eau de Javel. Tu picardes de madame de Nathnoun. On a mis de l'eau de Nathnoun. T'enlèves les petits boutons. Parce que l'eau de Javel, c'est dur, ça irrite. Et puis, donc, à 4 ans, il y avait un party. Tu sais, les jeunes radios commerciales, ça m'énerve. À partir du mercredi, « Hey, la fin de semaine, ce sera le party! » Pourquoi tout le temps le party? C'est quoi la connerie de party, là? Party, c'est tout le monde à terre, tout le monde à poil, tout le monde sous, seul sur l'eau. C'est pas ça le party, là. Faut lâcher le party. Il faut aussi s'enrichir intellectuellement. J'aimerais bien entendre une radio commerciale nous dire « Oh, bientôt la fin de semaine! Moment privilégié pour la lecture, le cinéma et les musées! » Mais l'auditeur qui écoute la radio commerciale « Un musée? Un cinéma? Oh oui, mais allez voir Ghostbusters 7! C'est beau Ghostbusters 7, il y a plein d'effets spéciaux! » Ah non, c'est vrai, c'est un type... Je recommence. Il y a plein d'effets spéciaux! Ah, c'est beau des films avec des effets spéciaux. C'est spécial, là, il n'y a pas de chiots. Il y a des chiots, mais on peut pas les faire rentrer. Ah! Alors, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans pour les yeux de ma mère. 4 ans d'amour, c'est l'amour folle. Et puis, il y avait le party. C'est le gros party là, qu'on dit à la radio commerciale. Le party! Et il y avait des verres. Mon oncle Gaston avait placé beaucoup de verres, hein? Des verres d'eau, des verres de gin. Bon. Oh, vous l'avez vu venir, hein? C'est. Attendez, vous savez pas la suite. Bon. Vous vous doutez de quelque chose. C'est bien, c'est bon signe. Oui, les gens qui se doutent, là. Moi, j'ai un petit doute, moi. Raymond Gauthier fréquente Ghislain Lemieux. Puis Ghislain Lemieux est marié. Il a 5 enfants. Sa femme travaille. 3 emplois, sa femme-là. Pendant qu'elle travaille, cette pauvre femme se fait tricher par ce petit terreux. Ce moins que rien se voit nu pied. Mais là, c'est pas ça, son histoire à lui, c'est mon histoire. Ça fait que j'avais 4 ans. C'était là, on était chez mon oncle Gaston. Mon oncle Gaston était gérant de tous les Marie-Antoinette au Québec. Quand j'ai pas dit à Québec, au Québec. C'est lui qui a inventé. C'est vrai, je vous le jure, c'est vrai. C'est lui qui a inventé, pour ceux qui connaissent, là, l'hamburger, le Tom Pouce. Mon oncle a inventé le Tom Pouce. On allait au Marie-Antoinette, on se commandait, mais le Tom Pouce. Puis c'est lui qui a tout dressé le menu des Marie-Antoinette. Si vous avez adoré ça, on disait en blague à l'époque où ça existait, ces restaurants-là, si vous voulez discuter avec votre femme, puis prendre votre temps, allez au Marie-Antoinette, le service est lent. Le service est lent. Il était lent, mais efficace. Tu sais, tu pouvais être au bar. Au bar, ils étaient plus rapides parce que c'est consommation. Mais au restaurant, puis tu finissais avec un Brésilien. Un Brésilien, c'était un sundae au chocolat avec une gaufrette sur le dessus. puis de la crème fouettée. Puis moi, je ne demandais pas de... Ils mettaient des noix. J'aime pas ça, les noix. Ah, mon Dieu, les noix, les... Là, j'ai ça, les noix, les glands. Ça me dégoûte, dégoûte. Pas capable. Je vois ça, puis... Non, je vois. Mais c'était bon, le brésilien. C'était simple, là. Mais très bon. Et mon oncle, on était à Lévis, parce qu'il habitait Lévis. Puis, pendant le party! j'ai dit à mon oncle, j'ai 4 ans. Puis j'adorais mon oncle Gaston, parce que c'était un gars que j'aime, qui était rigolo. À un moment donné, il avait imité Nestor quand il faisait de la peinture. On devait retourner à la maison. Puis il dit, je vais aller vous reconduire de Lévis à Québec. Puis il s'était placé la serviette qu'il avait sur lui. Il s'était placé ça sur la tête avec un chapeau. Depuis ce temps-là, on l'avait appelé Nestor. Ce gars-là se réveillait, il se gargarisait avec du gin. Oh! Il était venu à Port-Cartier parce que je restais à Port-Cartier de 75 à 70, 75 à 77. Et il était venu avec sa roulotte. Puis sa femme aussi, mais ça, c'est moins intéressant. Et Thérèse était sourde. Puis quand elle changeait pas, c'était des piles, là. Puis quand les piles étaient un peu vieilles, ça faisait... On entendait ça. Elle n'entendait rien, elle. Là, on dit, ma tante Thérèse, vos piles... Non, on disait, tes piles... On tutoyait ma tante Thérèse. Tes piles sont faibles. On entend juste du ciment. Ah, c'est ça, puis c'est en dessous, là! Ben oui, ma tante. J'en ai pas amené de pile, moi, avec moi! Ben, et au moins, enlève enlève ça! Enlève tes prothèses! On s'entend plus parler! On s'entend même plus parler en dents! Ma tante Thérèse. Et puis ma tante Thérèse, là, elle pouvait te dire. Quand elle parlait d'un événement, elle disait. Puis c'est vrai, là! Te souviens-tu le 12 mai 1973? « Hey, nous étions à Natashquan avec Gilles Bécaud. Gaston avait été malade. Ah, oh, mon Dieu, il avait mangé des homards, mais qui n'étaient pas très, très frais. Moi, j'ai dit après, là, quand ça marche pas, là, les homards, hein, pas à ton estomac, mais quand tu vois pas les homards marcher, mange-en pas. Voyons donc, mon Gaston, toi qui cuisinier. » Hey Gaston, hey, juste être prêt avec ça. Oh, bon. Et puis, donc, là, elle a enlevé sa prothèse. Mon oncle Gaston, on n'était pas par quartier là, pour l'histoire de l'eau. Nous étions à Lévis. Et puis, il y avait une rangée de verre, deux rangées de verre. Puis, il me dit, prends de l'eau. Je dis, mon oncle, j'ai soif. Mon petit Renal, prends de l'eau. Oui, c'est où? Ah, c'est à la cuisine. Fait que là, je m'en vais à la cuisine. Série d'eau, une série de verres. Je choisis un verre. Et là, je fais que tu sais que j'avais soif. C'était du gin. Hey, j'avais 4 ans. Là, j'arrive dans le salon. Hey, mon oncle a voulu me tuer. Il m'a donné quelque chose, c'est pas buvable. Ah, oh, c'est du gin. Ah, oh, non, mon petit gars. Et après ça, j'avais été tannant. Oh. Je courais partout, je chantais « Ah, gars, c'était à l'époque d'Agadou. Ah, de Patrick Zabé. » Mais qui était avant ça, de Carlos. Mais Patrick Zabé a repris plein de chansons de Carlos. « Ah, gars, dou, pousse dans la moule. » J'ai commencé à faire le trou partout. La police est arrivée. Il va en prendre digital, en prison. On va dégriser là-dedans. Puis, hey, j'avais 4. C'était le fun. C'était une expérience incroyable. Là. Oh! Puis les policiers de Lévis, c'est pas que les policiers de Québec. Bon, non, ils sont pas armés. À l'époque, c'était pas armé. C'était des chums, des amis. On les appelait, puis... Hey, peux-tu nous envoyer Raymond Lemieux? Immatricule 6732. Ouais, violence conjugale. Je suis le violent conjugal, que je l'ai galé. C'est moi le violent. Pourriez-vous m'envoyer ce gars-là? Pas un autre, là, jusque là. Fait que là, le gars arrivait chez l'énergumène. Ah, oh, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça débouchait de la bière, ça parlait, ça chantait. Oh, des grosses soirées de même. Là, il se faisait appeler, hein. Il disait, hey, vous êtes où, là, colonel? Là, je suis à un domicile fixe. sur un téléphone fixe. Et moi, je suis fixe. Je crois qu'on m'a fait un canular. J'arrive immédiatement. Pourriez-vous m'envoyer un collègue ou puis-je partir en taxi? J'en ai très fatigué. C'est une violence conjugale. J'ai dû tout écouter les membres qui étaient victimes de cette violence-là. Il y avait monsieur ici qui est devant moi et qui rigole comme un cinglé. Hey, éteins ton joint, toi. Arrête, ils vont arriver. Éteins ton joint. Hein? Ah non, parce qu'il est en peinture, hein, puis il a tiré le joint avant. Et puis sa femme, ben là, elle est couchée quatre pattes en l'air, ben le beau-frère est rendu là, je veux pas rentrer, hein. Pardon? Ben ça, c'est un bordel. Mais venez donc me chercher, là, puis on va s'en aller. J'ai le constat, j'ai tous les papiers, puis on va en parler, mais avant, je vais aller me coucher, mais on va revenir après. Allez, moi, je suis fatigué, c'est difficile d'être inspecteur dans ces années aussi précaires. Ben oui, c'est précaire. Pourquoi vous me dites non, vous? C'est très difficile. Parce que la chanson veut pas prendre. OK, on y va. Ah, voilà. Ah, c'était ça. Ah, c'est ça. Allons, mon oncle, Gaston, s'était trompé. Ben, pas trompé, mais il m'avait offert d'aller dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Mais moi, un verre, gin et eau, c'est blanc. J'avais ingurgité, madame, mademoiselle, monsieur, et les autres, du gin, à 4 ans. C'est épouvantable. Appelez pas la DPJ, ça n'existait pas. À l'époque, la DPJ, c'était... Ça s'appelait à ce moment-là. À ce moment ici. Non, c'est pas à ce moment ici, c'est à ce moment-là. Ça se passe. Ça s'appelait. Voyons, j'ai un blanc. La protection des animaux. Ouais. C'était comme ça à l'époque. C'était une maudite bonne époque. Il y avait déjà fan back. Mais ça, c'est pas fait back. C'est Erja Litinen. Wouhou! Systems and overload. So you're sitting on the back seat of a car. Would you a good looking man? Or would you a good looking woman? To happen? You know what I'm talking about. I'm talking about love. Feel it down. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est important, là, lorsque vous écoutez Arja Littinen, c'est qu'elle est guitariste. C'est elle qui joue de la guitare. C'est merveilleux. C'est vraiment musical. Hein, ça peut pas être plus sonore que ça, vraiment. Non? Un tantinet? Il a mis ça de dire un tantinet. Lui. Qu'est-ce qui te plaît dans un tantinet, mon petit champion? Ah, OK, parce que pour lui, tantinet... sonne un peu comme Gros Minet. Vous savez, Gros Minet, là? Le petit oiseau, Titi. Ben oui, l'autre l'a chanté. Titi, on l'appelle Titi. C'est un esprit d'oiseau qui vole en Platon. Hey, un oiseau qui vole en Platon. Je pense que Luc était fatigué lorsqu'il a écrit ça, là. même très, très, très épuisé. Il pleurait sans doute au corps de tour. Puis là, il dit, je suis plus capable de crier. C'est moi, Luc. Luc, hein, Luc, c'est pas n'importe qui, c'est Luc. Vous connaissez Luc? J'aurais voulu être une tartine pour tous les jours me crémer et surtout me trouver bon entre deux pains et un cornichon. J'aurais voulu être un sauveur pour chaque jour. Là, il bloquait. Puis quand il bloquait... Luc, là, quand il bloque, il est dur à débloquer. C'est comme si c'est un bon bouchon. C'est moi, là, je le prendrais pour mon vin. Parce que je fais aussi du vin, Mme Thibodeau. Je suis rendu au cidre, mais sans Corneille. Je m'ennuie de Corneille. Ah, mon Dieu, j'ai hâte de le retrouver parce que moi, là, ça manque de pétillant, hein, un cidre sans Corneille. Et je fais du cidre, je fais du vin. Vin blanc, vin rouge, vin rose. Donne-moi la couleur, moi, te la faire. Moi, te la faire, ta bouteille. C'est-à-dire, à l'intérieur, ça va être la couleur que tu veux. Jaune brillant. Ça risque de coûter quelque chose du matin. Parce que jaune brillant, moi, ça me rappelle... ben, le matin, c'est une blague pour moi. Là, c'est l'après-midi. Je me lève l'après-midi. Non, je suis plus travailleur de nuit depuis... Oh, 4 ans. J'ai été 28 ans de nuit. Ça fait 4 ans que je suis de jour. Ben, le jour de soir, je me réveille à midi et demi, midi 30, approximativement. Bon, peut-être midi 32, lorsque je fais la grasse matinée. Ben, je me réveille, je suis pas fonctionnel, là. Je suis fonctionnel à partir de 22h30. Ça tombe bien, je termine à 23h. J'arrive à la maison à 23h30 parce que je suis en scooter électrique. En parlant de scooter électrique, je me suis fait avoir, pas par mon scooter, mais par un impair, j'ai commis un impair. En m'achetant un impair, je croyais haut de gamme. Je vous dirai pas la compagnie, mais ce qui m'a attiré, c'était une salle de spectacle. Ça portait le nom d'une salle de spectacle très, très connue à Paris. Ah, vous aimez ça, les énigmes, hein? Ah, on peut jouer un peu là-dessus avant de vous proposer mes deux invités, mais je dois faire vite. Ben oui, parce que là, elles sont là dans le salon, elles m'attendent. Et je leur ai dit, n'oubliez pas, prenez des verres d'eau, mais je crois qu'elles sont elles ont oublié, puis elles ont pris des verres de gin. Oh, ça rit, ça se frappe dans les mains, ça sent... Oh, les filles, attendez un peu, j'arrive. Je pense que la fête est plus de l'autre côté qu'ici. Oh. Pardon. Oui. On continue. On va les rejoindre après. Vous allez voir. Ah, ça va décaper. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui. Ben, écoute, je pense que ça va décaper maintenant parce que il y a deux façons de faire. Deux façons de dire plutôt. C'est soit un trou ou un blanc de mémoire. Je pense que j'ai un des deux, même les deux en même temps. J'ai un trou et un blanc. Mais ça, c'est ce qui fait ma carrière depuis Belle Lurette. Puis, hey, Belle Lurette. Pendant que c'était Belle Lurette, on avait le droit de se tromper. On avait le droit d'être un brouillon de nous-mêmes. On avait le droit de tomber et de se relever. On avait le droit de tout. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Hey, on n'est plus le droit. Tout le monde nous espionne. Puis surtout qu'il y a des lois pour n'importe quoi. Savais-tu que si tu craches par terre, tu peux te faire arrêter par la police, payer une contravention de... Savez-vous comment ça coûte si vous crachez par terre? 250$ pour avoir craché par terre. Si vous urinez derrière une poubelle comme ça, à l'extérieur, t'es là, oh, pas de toilette, il n'y a pas de cabinet d'aisance. Fait que là, tu t'en vas, tu prends un petit coin tranquille. Pourquoi ton pitou a le droit, puis toi, t'as pas le droit? Bon, certains me diront, Reynald, tu déraisonnes, mon petit tambour. J'entends déjà l'écho qui se révèle en toi. Être de peu de conscience. Je vais t'expliquer pourquoi. Le chien n'a pas cette faculté de compréhension. Ne piche pas les lois. Toi, on t'a donné, on t'a doté. On a tenté surtout, on a tenté de te doter. Là, plus on tentait de te doter, on se rendait compte qu'on radotait, puis rien qui se passait. On s'est dit, on vient de faire un anarchiste. Encore un autre anarchiste. Un autre! Comme disait Jean-Pierre Ferland, un autre boule de gomme. Un autre boule de gomme qui ne deviendra pas quelqu'un de mouvable dans la société. Un récalcitrant! Celui qui se dit, s'il y a des lois, j'ai rien contre. C'est pour mieux les contourner. Sans déranger l'autre. Toujours ne jamais déranger l'autre. Vivre sa vie sans emmerder personne. C'est ma doctrine, c'est ma devise. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça vous raconter l'histoire de tout à l'heure. Mais vous savez, j'ai fait tatouer, c'est récent. C'est très, très récent, mon tatouage. En fait, ça s'est passé mercredi. Et puis, j'ai décidé sur mon front de faire écrire par une professionnelle. Vraiment, l'écriture, là, elle est sublime. Autant ses mains sont douces lorsqu'elle caresse ton front pour écrire « Je ne m'en rappelle plus ». Donc, moi, sur mon front, là, c'est écrit « Je ne m'en rappelle plus ». Alors, je répète, je ne m'en rappelle plus, avec un N apostrophe. Parce que je voulais que ce soit lu comme un langage courant, un langage de la rue. Heureusement, j'ai une toupette qui cache un peu cette écriture. Mais quand je veux exhiber tout ça, ben je remonte le toupette. On m'appelle Tintin. Tintin. Mais j'ai moins en moins de toupette avec l'âge. Mais les deux filles que j'ai rencontrées, là, je vais juste vous dire quelque chose. Que ça s'est passé il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de voir et de discuter avec Isabelle Lourioux et Marie-Hélène Aubert. Ça fait peut-être 4-5 ans. Et j'avais tellement aimé leur vision du monde qui ressemble à la mienne. Et à ma vision. Et surtout... Elles sont féministes. Et je le suis aussi. Donc, nous avions le même discours, mais dans des termes différents. Et c'est ce qui m'a plu chez elles. C'est pour ça que j'ai voulu, en 2018, les revoir, parce qu'ils avaient un projet de théâtre. Ils ont toujours ce projet de théâtre-là qui roule. Bien sûr, c'est d'une manière très, très singulière, très intimiste. C'est pas des pièces exubérantes, mais c'est très introspectif et c'est ce qui me plaît dans leur boulot. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le lundi 10 juin 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mes deux amis qui sont en avant. Puis, hey, je crois qu'ils sont trompés d'eau. Là, c'est pas de l'eau qu'ils ont bu. Là. Oh, vous allez entendre ça. Parce que c'est la suite la semaine dernière. Vous en rappelez la semaine dernière? Pas vraiment? Le 3 juin, la veille de ma fête. Non, le lendemain de ma fête. Ma fête, c'est le 2. J'ai accueilli les filles le 3. Puis là, ben, je les ai dit, ah, restez chez moi. Là. J'ai de la place. Je reste dans un 2,5. Là. J'irai coucher dans la salle de bain. Puis moi, amusez-vous. C'est Québec. C'est une ville vivante qui s'émancipe, qui aime bien le monde, qui aime bien la fête. Puis restez à coucher. Puis il y aurait une semaine de plus. Puis ils m'ont dit, OK. Ils sont ici depuis à peu près 10 jours. Et là, je vous les présente. Ils sont au salon. Ils ont ingurgité passablement d'élixir. Donc, Isabelle Lourioux et Marie-Hélène Aubert, une écrivaine dramaturge, comédienne aussi, et l'autre 100% comédienne, mais aussi travaille sur des pièces de théâtre pour enfants. Alors, la suite de la fuite, maintenant. Bonne écoute. Quand je touche la mouche qui pousse sous ma bouche, quand j'ai l'air de ne pas être à ce qui se dit, quand je louche en douce sur la rousse qui se trémousse en me disant que j'en ai pas très envie, j'en fais des kilomètres avec le vélo que j'ai dans la tête, j'en fais des kilomètres. Quand je laisse à la dèche un joli texte pour une jolie sieste, en jurant qu'on pense mieux en dormant. Quand un truc me tracasse, quand le trac me tarabuste, quand j'ai l'air de manquer d'arguments, j'en fais des kilomètres avec le vélo que j'ai dans la tête, j'en fais des kilomètres. Avec le vélo que j'ai dans la tête, j'en fais des kilomètres. Quelquefois ça se termine et... On débat quand même, au delà de 14 mois. Oui, bah, le but c'était d'avoir des débats. Après là, comme ça, c'était plutôt des présentations. C'est vrai que les débats, on n'a pas forcément fait les débats en fait. Mais il y aura lieu, il y aura des débats. Mais Natacha fait des conférences parallèlement aussi. Donc, ok, l'auteur. L'auteur, Natacha. Oui. Notamment, quand on a joué... où elle a fait... On l'a fait monter sur scène, Natacha, donc il y a, si tu veux, des prémices d'un débat. Elle parle des sœurs savantes, ensuite elle parle, ça dure 5-10 minutes, au foyer des étudiantes, elle avait parlé aussi. Et puis à la mairie du 4e, si on est obligé de parler un peu de l'histoire. Mais dans les écoles, ce serait bien peut-être présenter... Il y a un truc pédagogique, il y a un dossier pédagogique, et on compte faire jouer dans les collèges lycées Marie Curie, par exemple, aussi en France. Oui, ce serait... On a un coproducteur super, Jérôme, qui s'occupe un peu de ça aussi avec une chargée de diffusion. Mais votre musicien, est-ce qu'il vous suit tout le temps ou si vous en avez un qui peut remplacer l'autre? Ben, peut-être qu'il va falloir qu'on pense à ça, mais après le truc c'est que c'est compliqué. Là je l'ai au téléphone tout à l'heure, là, justement, tu vois, pendant une bonne heure. Et, quand je te voyais, tu étais en train de se ouais, carrer, ouais. Et c'est compliqué quand même parce qu'il a travaillé des morceaux et moi je me suis un peu fixée dessus aussi pour travailler. Et que je suis pas sûre qu'un autre musicien. Après, c'est toujours. C'est comme une autre comédienne. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Tu t'attaches à l'artiste en fait. Et tu te dis bon. Puis tu sais ce qu'il va te donner comme produit aussi. Ouais, et puis c'est un bosseur. Il a fait. En tout cas, au niveau de la musique, il a cherché des choses. On a cherché ensemble, mais il a quand même cherché d'abord parce que. C'est quand même quelqu'un. J'ai un peu fait faux bond quand même parce que je l'avais d'abord appelé, puis après, oui, mais je suis allée vers quelqu'un qui était plus proche de nous à Paris, etc. Puis pour des raisons X et Y, je l'ai quand même rappelé. Le mec, il a été cool, hein, parce qu'il aurait pu faire. Oh, ouais, tu l'as jeté, tu l'aurais. Non, mais il y a un peu ça, il y a quand même un peu ça. Genre, s'il m'écoute, peut-être. Bonjour. Non, mais il est ravi, il me le disait encore tout à l'heure au téléphone, c'est quand même quelqu'un. Il a fait une interview dans un magazine qui s'appelle Inside. Sur Ceiling, il a parlé de la compagnie, du projet. Ah, c'est bien. C'est quelqu'un qui il aime ce qui c'est un peu nouveau pour lui le théâtre en plus. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les danseurs, mais peu sur le plateau. Voilà, il n'a pas des velléités d'artiste, tu vois, 12 000 balles. Bon, voilà, il est quand même relativement conscient, conscient des réalités artistiques. Donc pour ça déjà, et puis je trouve que c'est un bon musicien. Et il amène sur le plateau quelque chose de. Il a une belle présence. C'est joli. Est-ce qu'il est caché ou s'il est vu ? Non, il est vu. Et c'est important ? Ouais. Ah ouais, j'aime bien moi l'idée qu'on le voit. Mais par contre, il joue pas. Hein. Il joue la musique. Oh, ouais. Mais quand elles sont près de lui, parce que j'ai fait des petits trucs de mise en scène où elle s'approche de lui, mais machin, mais il est. Il réagit pas, tu vois, il est dans. C'est le musicien qui fait bon, bah, il y a des filles qui me parlent, je réponds pas. Il veut pas non plus s'impliquer dans la pièce, lui, c'est. Non, lui, c'est sa partie. L'environnement sonore. Ouais. Ouais. Mais sa présence est suffisante pour. Il incarne un peu toutes ces figures de l'homme, pas les hommes de cette pièce, le père, Pierre Curie, les amoureux. Les amoureux, tout ça. Enfin, voilà, il y a une figure masculine, une belle figure masculine. Est très, très gracieux, il a une belle présence vraiment et il incarne aussi cette jeunesse. C'est vrai que je sais pas quel âge il a, mais il fait très jeune, il y a quelque chose une belle présence. Donc c'est pour ça que ça fait une belle pièce. Oui, c'est joli, c'est un beau trio. Donc après, voilà, demain, j'ai appris que sa compagne était enceinte et 3 mois et demi. Il est probable qu'à un moment donné, peut-être qu'il a envie de s'occuper de son enfant, ouais. Ça arrive. Ouais. Ouais. Heureusement, voyons. Et on ne dira rien. C'est ça, non. Quoi que ça dépend. Non. Bah, peut-être qu'il faudra réfléchir éventuellement à une alternance, comme, je ne sais pas, si son mari se retrouve dans un projet, je ne sais pas où, on réfléchira à une alternance, etc. Voilà, ça se réfléchit en général. Mais pour le moment, je n'ai pas très envie. Moi, j'aime vraiment son travail. Je suis allée chercher, franchement, et puis c'est compliqué de. Après, pour des raisons économiques, toujours. Peut-être qu'il a enregistré une bande-son et que peut-être, comme j'aurais besoin d'écourter un peu le texte, j'aurais peut-être pas besoin de lui sur le plateau et qu'on sera obligé de faire son enregistrement. Okay. Ce sera évidemment pas du tout pareil parce que son instrument a une vraie valeur en fait dans le spectacle, l'instrument. Mais la forme de l'instrument, tout ça. Et surtout sa présence sur scène, ouais, comme tu me disais, ça représente l'homme. Donc, c'est ça. Après, ça, si tu veux, oui, mais ça se fait aussi sans lui, ça. Okay, mais si tu veux, c'est l'instrument, la forme de son instrument, ce truc métallique comme ça, qui rappelle la révolution industrielle. Allez-vous peut-être remplacer ça par un objet ? Ouais, ou alors il y aura la bande son. Mais on n'en est pas là, pour l'instant. Parce qu'on n'a pas... elles vont à Cognac, les filles, sans lui. Mais c'est juste une... Alors, ce ne sera pas musical. Non, ce sera une lecture extrait. Okay. Il n'y avait pas de budget, ils n'avaient pas d'argent, donc on n'allait pas. Tu vois, c'est toujours pareil. Elle voulait le spectacle, mais. Sans payer pour un spectacle. Au prix d'un comédien. Donc, non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail d'éclairage ou. Ouais. On a un très bon régisseur, Guillaume. C'est bon, hein. Et on a. Mais vous pouvez aussi le faire sans éclairage, comme vous l'avez fait. Dans les 4 premières. Partout. Alors, on a fait une très très belle lumière au Musicurus, c'était pas mal, au Théâtre 14 aussi. Après, c'est un spectacle, c'est pareil. Il faut un minimum de lumière. Il faut un minimum de. Tu vois, le pacte, je l'ai marqué par une petite cloquette qui s'allume, s'éteint. Ben, c'est important qu'il y ait ça. Après, encore une fois, je pense que ce spectacle se suffit par lui-même s'il n'y a pas de lumière, le texte par le texte et la musique. Bon, après, c'est mieux d'avoir le tout, quoi. C'est une création. Ouais, ouais, ouais. La totale est toujours mieux. La totale est toujours mieux parce que Isabelle a pensé aussi à un couloir de lumière en fond de scène. Qui, elle voyage beaucoup, elles sont toujours entre la Pologne et Paris. Ça, c'est important de montrer. Et il y a ce couloir qui représente les deux lieux, toujours un passage. C'est beau, ça, c'est très joli. Ça. Et quand il n'y a pas l'éclairage, qu'est-ce que vous faites? C'est dans le mouvement, c'est, on sent que vous franchissez. Il y a une malle, dans la scénographie, il y a une malle qui inspire le voyage. Ok. Qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, ouais, après ça dépend, mais le régisseur assure bien parce que sur à plein. Parce que c'est le même à chaque fois. Ouais. Et franchement, il a au foyer international des étudiants, c'est un lieu du début du 20e. C'est un vieux théâtre avec un tout petit plateau. Très galère, il faisait froid, la lumière, tout était vraiment galère. C'est une des plus belles dates qu'elles aient faites d'ailleurs. Ouais. Parce que plus c'est galère, mieux c'est souvent. Oui. Mais on réagit selon l'espace, selon ce qui arrive. Ouais. Selon... Et voilà. ça peut être une motivation. Et ça peut être une motivation de faire. Ouais, c'est marrant. Mais quand c'est trop confortable, on commence à. Peut-être, c'est possible. On l'a pas encore vécu, le côté confortable. Non, c'est long, c'est ça. Les budgets sont encore assez limités pour avoir des salles exceptionnelles avec des éclairages. Ça va venir, il y en a des belles qui arrivent quand même. Il y en a des belles qui arrivent. Mais c'est vrai qu'après, le régisseur, c'est son métier aussi. Hein. Oui. Parfois, avec deux ampoules et trois bouts de tissu, il arrive à nous faire un truc et donc ça passe. Et surtout, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Mais pour ce qui est des vêtements, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une recherche pour les costumes ou... On a regardé un peu ce qu'elle portait, mais c'était toujours très sombre aussi, tu vois. Donc on a discuté. Moi j'avais envie quand même qu'elle porte des choses, notamment brognard, un peu colorées. Soit pas sombre. Et que Marie Curie reste quand même dans un truc un peu sombre, mais assez élégant. Voilà. Et puis. Mais après on a discuté avec. On a rencontré Frédéric Morel, un costumier qui est passionné de toutes les époques et qui a eu un vrai regard sur ça aussi, sur des propositions et on s'est retrouvé avec une belle cohérence au niveau des costumes, des couleurs. Mais comment vous faites pour trouver les vêtements, les costumes, comme quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez dans les friperies ou... On trouve un costumier qui ne prend pas cher. Oui, c'est ça. Et dans les friperies exactement, au début c'est ce qu'on a fait. Clémentine a une maman qui fait beaucoup les friperies, les marchés, etc. Elle nous a ramené plein de chemises de nuit, des choses... Oui. Maintenant on a des costumes, on a des vrais costumes. Ah oui, okay. On travaille avec ce garçon, Frédéric Morel, qui est un garçon passionné. Mais comment vous les trouvez, ces gens-là? Est-ce que ça se fait naturellement? J'allais rebondir ce que dit Marie, c'est aussi ça l'avantage de ce métier. Moi, je trouve que ce qui est beau dans ce métier-là, c'est la rencontre. Mais comment ça se crée, ces rencontres-là? Clémentine avait travaillé avec ce costumier sur un précédent spectacle, et puis du coup... Louise Michel. Et du coup, c'est des connexions qui restent, en fait. Rapproche-toi de moi. Je voulais te dire que je t'aime encore. Tu voulais me dire que tu m'aimes encore. Tu pars en voyage. Je pars très longtemps. Tu vas m'oublier. C'est sûr, c'est certain. Rapproche-toi de moi. Mon feu sent plus fort. Tu voulais me dire oui, que je t'aime encore. Que tu m'aimes. Tu connais un tel qui a bossé là-dessus, tu fais bon, je vais l'appeler, un graphiste pour une affiche, je sais pas, un régisseur, et puis il y en a un qui est pas là, donc t'en appelles un autre que t'as connu sur un autre spectacle. Ouais, ça crée des petites familles. Voilà, ah ouais, oui, c'est bien. Un menuisier, là par exemple, le décor de. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'ambition dans les décors, mais ça reste très simple, hein, mais il y a quand même les faire, les décors. Il y a le père de Marie-Hélène qui fait des très beaux décors. On nous avait fait un méga décor sur de temps d'horreur qui était hyper solide encore aujourd'hui. Est-ce que c'est son travail? Non, mon père a été cadre dans de l'automobile toute sa vie. Mais il a toujours voulu, il travaille le bois depuis toujours. Ok, Emmanuel. Et il adore ça. Et donc, vous lui avez demandé de créer quelque chose. Et donc, là, je lui ai dit à Marie, est-ce que tu crois que ton père il serait d'accord de faire nanani? Et puis, bon, sans problème, hein, ouais. Il est toujours ravi de le faire. Donc, il nous a fait des petites. Il a déniché des trucs. Voilà, j'avais besoin d'un lit, il a fait un lit. Enfin, non, mais je veux dire, donc si tu veux, au final, on peut avoir l'impression, c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est que quand on a joué notamment à la mairie du 4e, les gens se disent, mais ce décor, les costumes, nanani, donc ça peut paraître très ambitieux. Et ça rien coûté. Et un truc avec des moyens assez importants. Au final, on n'a pas dépensé non plus 50 000 balles. Mais bon, si on a de nouveau un budget, on pourra racheter un truc plus solide. On a un globe magnifique qui nous a été laissé par les parents de Clémentine d'époque, vraiment. Ah ouais. Voilà, donc finalement, non, franchement, on a bien assuré. Hein. Parce que... Mais ça se met en place, on dirait, comme par magie, cette pièce-là. Ben ouais. Donc, on dirait que c'est comme amené par les ondes. Par les Clémentine Stepanoff. Mais exactement. C'est fou. Et pourtant, on part du vide, on part de rien. Hein. Quand on commence une création, il faut y croire. Hein. Oui. Il faut se dire... Voilà, lâcher, mais c'est vrai qu'après tout s'est mis en place, il y a plein de Et puis on a un facteur, quand même, un facteur indéniable qui est Natacha Henry. Ah, oui, ben oui, c'est la pierre angulaire. Parce qu'il y a des auteurs, là tu vois, c'est autre chose, mais j'ai lu un livre que j'ai adoré, etc., et dont j'aimerais avoir les droits, par exemple. Ce qui va être beaucoup plus compliqué parce que c'est américain. Ouais. Mais tu vois, Natacha Henry, c'est une auteure vivante, hein, déjà, donc c'est bien. Et j'ai rarement vu, je pense, mais même de gens que je connais qui ont adapté des romans d'auteurs vivants, des auteurs aussi impliqués. Ah oui. Elle est extrêmement... Elle travaille beaucoup, elle fait de la conférence, elle est assez... voilà, Le Pacte des Sœurs a bien marché, c'est un roman qui fonctionne bien. Elle a beaucoup de nominations à des prix, etc. D'ailleurs, on la suit souvent sur ses parcours de prix, ses colloques. Mais Cognac, c'est le prix de la jeunesse. Aix-en-Provence, c'est un colloque sur les femmes où elle va aller. Enfin, donc on la suit, tu vois. Et elle est venue à toutes les représentations. Et elle est d'un soutien. Une générosité. Ah oui. D'un enthousiasme. Ouais. Voilà, elle est contente. C'est-à-dire elle est à l'écoute surtout de ce qu'elle fait pour que vous soyez. Voilà, et du coup, elle a ramené aussi de son côté des gens, un réseau qu'on ne connaissait pas. Alors, elle, c'est une féministe. Aussi, mais vraiment une féministe qui est sur tous les terrains, donc elle est sur plein de trucs, plein de causes. Et donc voilà, donc c'est un autre réseau qu'elle a ramené aussi au théâtre, des gens qui étaient ravis de voir son roman sur scène, et puis elle, voir son roman jouer avec des vraies comédiennes, des vrais... C'est quelque chose d'assez... Pour elle, c'est fantastique. C'est super, elle ne cesse de le dire d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai le téléphone là l'autre jour. Elle est comme une petite fille. Ah oui, c'est magnifique. Elle est toujours contente, quoi. C'est vraiment une chance, quoi. C'est une super nana. tu vois. Vraiment, pas vraiment, vraiment. Mais c'est une pièce qui va rester et qui va durer plusieurs années. C'est pas. C'est J'espère, pas... ouais. Mais comme vous en avez déjà fait, puis que vous reprenez quelques fois, puis que vous laissez, vous reprenez. Ouais. Donc bah oui, comme en fait, tant qu'une pièce est demandée, tant qu'elle a toujours un avenir, bon après, on va vieillir, hein, donc on ne peut pas jouer ça pendant longtemps non plus. Mais si, si, mais c'est vrai que tant que c'est demandé, tant que la pièce est dans l'air du temps, tant qu'il y a quelque chose à dire et des rencontres, elle existe. Après, peut-être pas avec moi, peut-être pas. Je sais pas, mais en tout cas, oui, elle est créée, elle est là. Et surtout si ça crée des débats, des discussions, c'est quelque chose, parce qu'on peut dire que le but, c'est d'interroger les gens, c'est de. Et surtout que le livre était, comme tu me disais, plus pointu. Alors le livre Les Sœurs Savantes était beaucoup plus technique. Oui. Il y avait. C'était vraiment un livre d'archives, etc. Et par contre, le Pacte des Sœurs, le roman Marie et Bronia, c'est vraiment un roman jeunesse. D'ailleurs, qui a été lu par... Il y a des jeunes qui sont venus voir le spectacle au Musée Curie, d'ailleurs. Et que toi, qui trouvais ça... qu'on adorait le roman, c'est vraiment une histoire. C'est vraiment, vraiment un angle de l'histoire de Marie Curie complètement différent. On n'oublie absolument pas que c'est une grande scientifique, mais c'est une scientifique qui a des sentiments. Enfin, j'exagère, tout le monde sans doute, mais... amoureuse, légère aussi par moments. Ouais, ouais. Bref, c'est une femme comme toutes les autres. C'est une femme comme toutes les autres qui a un destin assez exceptionnel. Ouais, mais, ouais. Mais voilà, et du coup le débat il est aussi sur, voilà, je le disais tout à l'heure, une étrangère comme ça, qui arrive, un étranger, une étrangère qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne connaît pas, avec des habitudes qu'il ne connaît pas. Et il faut en fait c'est ça, c'est plutôt aussi laisser le temps au temps aux gens de s'adapter. Oui. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Malheureusement, il faut que tout roule rapidement. Et... Il faut aller vite, vite, vite, tout très très très vite, s'adapter à tout de suite. Sinon si tu dégages. C'est ça, hein, le zapping, c'est ça. Oui. Tu veux pas, tu dégages. Et cette histoire-là, elle est anti ça. C'est-à-dire, elles ont eu cette chance-là, pourtant c'était pas gagné, la Sorbonne c'était dur. Hein. Oh, oui, oui. Les hommes qui leur crachaient dessus, leur lançaient des... Elle le raconte Bronia hein, dans la pièce, mais... Bah, aujourd'hui, voilà, le temps qu'on leur a laissé à ce moment-là, là aujourd'hui il y en a plein, on leur laisse pas ce temps-là. On voudrait qu'ils réussissent tout de suite, sinon tu dégages, tu rentres dans ton pays. On est moins patient, on est beaucoup plus... On veut de la performance. On veut c'est ça, de la compétition, ouais. On veut de l'argent, il faut être le premier partout. La facilité. Oh, oui, oui. Puis on oublie aussi, on étouffe la réflexion, on étouffe aussi l'humain, les problèmes qu'on peut avoir quand on n'est pas de ce pays-là, les mœurs, la culture qui n'est pas la même. Donc puis on oublie beaucoup, justement, tous ces personnages-là, enfin, tous ceux qui sont arrivés en France. Qui ont défriché. Et qui ont permis la littérature, la culture, enfin, voilà, la peinture, enfin, de l'art en règle générale d'ailleurs, mais pas que. Hein, enfin, voilà. Mais on se rappelle d'eux quand ça nous arrange en fait. Oui, ah, bah oui, c'est ça. On se rattache souvent à ces gens-là quand on est. Quand il y a la houle, quand il y a c'est un problème. De... Mais par contre, quand il y a. Oui, c'est ça. Et pourtant, voilà. Et c'est ça que Natacha a mis ça beaucoup en avant. Sur la. Ouais, c'est ça, l'intégration dans un pays. Oui. C'est vachement d'actualité. Mais c'est vrai. C'est. L'égalité homme-femme, le fait que le père soit un précurseur, le père des sœurs était très, très avant-gardiste. Il était moderne en fait, si tu veux, sur le fait d'avoir envie que ses filles réussissent autant que le garçon. Le fils était médecin aussi, tu vois. Ils ont tout quand même parfaitement bien réussi leur vie. Hein. La dernière était instite, mais tu vois, c'est la seule qui n'a pas choisi une carrière scientifique. Mais bon, voilà, une médecin, une scientifique nobelisée, doublement nobelisée. Un frère médecin et une sœur incite, tu vois, les gamins bien réussis. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Êtes-vous aussi militante qu'avant, qu'il y a 3 ans, ou si vous avez, entre guillemets, ramolli? Alors, on peut pas être sur tous les fronts. Non, c'est ça, exact. Mais c'est une forme d'engagement, et après, j'ai envie de dire... C'est vrai qu'on n'en démord pas de... On pourrait faire autre chose, mais c'est vrai que ce genre de pièce nous parle et ça donne un sens, quoi. Moi, je sais pas si moi, je pourrais pas jouer dans des pièces idiotes. Enfin, je sais pas, genre, je peux pas. Enfin, pourtant, hein, c'est pas les occasions qui un manquent. Un vaudeville, hein. Par exemple. Mais si un vaudeville, pourquoi pas, j'en ai déjà fait, j'ai joué dans un labiche. C'est du divertissement, on a besoin de divertir les gens et moi j'adore ça, faire rire. Et c'est très bien écrit, la biche. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça donne un sens quand même. C'est plus profond. Enfin, et puis comme justement moi je m'engage pas, je suis pas comme Natacha Henry c'est quelqu'un qui s'engage dans la vie, qui vraiment elle a son association Gender Company, moi je l'admire, mais c'est vrai que moi je prends pas le temps, cet engagement militant. Oh oui. Militant, non. En fait on n'a pas le temps, je crois que c'est soit la création, mais si on pourrait. Juste de monter une pièce et de la présenter, c'est du militantisme, c'est pas... C'est un acte de résistance, déjà, quand même, hein, de réussir à aller au bout d'un projet. C'est une forme de résistance, en tout cas, parce qu'on n'est quand même pas tellement aidé. On n'est pas aidé du tout, enfin, clairement. Enfin, j'aurais dû déjà le dire il y a 3 ans, mais Marie, elle est militante envers les animaux, tu vois. Moi, c'est la cause animale, c'est pour ça qu'on ne peut pas de grand-page, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus... avec cette rencontre avec Natacha, Isabelle, c'est vrai que... ça a affiné un petit peu mon regard sur ça, sur les femmes et tout ça. Et moi, j'étais une jeune femme qui pensait pas à tout ça. Et moi, je pensais que j'étais sur l'acquis. Décembre, je me suis retrouvé étendu, affecté par un autre système métrique. De mon igloo artificiel, je contemplais Harlem, de la 5e avenue à la 41e parallèle. J'ai 100 millions de raisons de ne pas t'oublier. J'en ai trouvé bien moins de ne plus t'aimer. Faire l'amour avec toi ne fût-ce qu'une seule fois encore, et combler tout ce vide dans tes bras. Aux premières lueurs du 31 décembre, la ville s'asphyxiait déjà sous les klaxons des automobiles. Agrafé sur le cœur les pilules d'une jolie petite ballerine que j'avais trouvé triste et qui m'avait trouvé beau. J'ai 100 millions de raisons de ne pas t'oublier. J'en ai trouvé bien moins de ne plus t'aimer. Faire l'amour avec toi ne fût-ce qu'une seule fois encore, et combler tout ce vide dans tes bras. Je croyais avoir vu Manhattan, ces belles américaines qui poussent sous des hauts et des hauts. Mais de mon trip transatlantique, je n'ai rien vu d'autre que toi. J'ai 100 millions de raisons de ne pas t'oublier. J'en ai trouvé bien moins de ne plus t'aimer. Faire l'amour avec toi ne fût-ce qu'une seule fois encore, et combler tout ce vide dans tes bras. We'll be right back. écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Je pensais que c'était fini, on n'a pas besoin du féminisme et du militantisme, tout est acquis. Et en fait, je me suis aperçue petit à petit ces dernières années, ben, en ouvrant bien mes yeux, en écoutant, voilà, je me suis dit, bah non, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas autant d'acquis que ça finalement. Et quand on rentre là-dedans, dans ce monde du féminisme, on se dit, oh, mais c'est incroyable, il y a encore tellement de combats, oui, en fait. Oui. Donc, ouais, en trois ans, il n'y a pas eu grand changement, il y a toujours le même combat, toujours les mêmes revendications. Oui, d'ailleurs, mais sur certains trucs, ça régresse encore. Hein. Tu vois, la place des femmes, moi, je militante peut-être un peu moins, mais dans la place des femmes dans le milieu artistique me touche beaucoup, touche, et je continue toujours à assister à des débats. Ou... D'ailleurs, ce truc que j'avais fait en décembre à la mairie de Paris, c'était ça à la base. Hein. C'était vraiment discuter de la place des femmes. Et voilà, il y a des femmes qui nous aident. D'ailleurs, là, je vais faire une interview à la rentrée, notamment autour du Pacte des Sœurs, mais sur les écritures contemporaines, sur les femmes auteures. Parce qu'on est nombreuses à écrire, hein, beaucoup, beaucoup, mais en fait, on ne parle pas de nous beaucoup, beaucoup. On parle un peu des mêmes, hein, en fait, sont 4, 5 en France, et encore, tu vois. Alors que, voilà, et c'est... Mais c'est toujours le même sujet, c'est comment tu veux que la jeunesse d'aujourd'hui lise ou s'intéresse au théâtre d'aujourd'hui, par exemple. Parce que, tu vois, moi, j'écris beaucoup. Quand tu vois qu'il y a 3 maisons d'édition en France spécialisées dans la presse féminine, enfin, dans les écritures féminines, par exemple. Elles sont toutes fermées, elles ferment toutes. On leur supprime le peu de subventions qu'elles ont. Il n'y a aucun débat qui tire vers le haut sur les places de la femme. On s'en fout, en fait. C'est des sujets qui n'intéressent pas les gens. Pas du tout, du tout. Donc voilà. Et donc, oui, écrire sur les femmes, c'est un acte de résistance. C'est aussi un acte de militantisme. Moi, j'ai pas lâché là-dessus. J'ai écrit un recueil qui s'appelle En mal d'amour, mal, le féminin de femelle, qui ne parle que de ça, avec des choses très drôles, mais très crues aussi, qui donne pas une place négative aux hommes du tout, du tout. C'est pas du tout le but, mais c'est aussi histoire de raconter des choses peut-être plus crues de la pensée des femmes envers les hommes. Voilà. C'est pas le cliché film de la femme. Ah oui, on est contre les hommes. Et c'est un peu ça le problème, tu vois, toutes ces affaires Weinstein, là, toutes les compagnies, ça me dérange un peu parce que du coup. Oui. On exclut là. Ouais, on est dans des trucs un peu. Voilà, enfin moi ça, je veux dire, j'ai pas pris part du tout à tous ces trucs-là, je trouve que c'est trop complexe. On a laissé faire trop de choses, le mec il est là. Mais ça c'est de l'extrémisme à son summum. On exclut l'homme, puis on. Oui, c'est ça. Puis c'est pas du féminisme d'ailleurs. Non. Parce que le dans. Ou très mauvais. Les grandes féministes qui ont été Simone Veil, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais pas que. Françoise Léritier qui en parlait beaucoup et qui est une femme exceptionnelle. Quand on lit un peu tout ce qu'elles ont dit, ces femmes-là, sans leur mari, n'auraient été rien. Ouais. Elles le disent elles-mêmes. Oh, oui. Les maris ont soutenu. Après, il y a des hommes bien. Hein. Mais c'est la même chose aussi pour les hommes, ils sont soutenus par les voilà, femmes. Voilà, et si tu veux, voilà, et je trouve que cette parité-là, on y arrive. Bon, on en est loin, hein, quand même. Alors oui, bien sûr, on a Macron président qui est marié à une femme qui a 30 ans de plus, ok. Enfin voilà, à part ça, mais si tu veux... Non, moi je trouve qu'on n'avance pas du tout. Il y a encore une éducation à faire. Il y a quand même des comportements masculins et même féminins qu'il faut à revoir quand même. Enfin, ouais. C'est possible, quoi. Surtout... Ouais, il y a tout très très surprenant, c'est-à-dire qu'à la fois, tu vois, je sais pas, après, les gens vont bondir, mais ça m'a, moi, fait bondir. On peut pas à la fois, à Cannes, au Festival de Cannes, avoir 90 gonzesses, ouais, non, c'est pas bien, les violeurs, c'est vrai, c'est pas bien les violeurs. Hein. Je suis en train de dire, c'est bravo les violeurs. Les harceleurs, tout ça, non, c'est tous des enfoirés. On n'a pas à trouver qu'une nana, parce qu'elle montre un bout de chair, a envie de se faire agresser. Ouais. Voilà, c'est bien, il faut lever un peu. Mmh. Voilà. Mais ces mêmes gonzesses qui font la une des journaux et qui sont complètement dessapées en vantant je sais pas quel machin, à un moment donné, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, qui est complètement incohérent. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a une espèce d'incohérence dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Voilà. D'ailleurs, les plus grands militants, les plus grandes militantes, on les voyait pas, hein, d'ailleurs. Elles font des choses derrière, là. C'est comme les Restos du Cœur, ils sont derrière, les gens. On les voit pas là faire... Voilà, moi, je peux pas entendre cette meuf, là, aux États-Unis, qui Rihanna, là, cette chanteuse, milliardaire, elle est en train de, alors elle défend la cause machin, machin, c'est super, et puis tu la vois dans ses clips, elle a poil, et toutes les gonzesses de 14-15 ans, c'est les mêmes. Parce que la jeunesse, c'est ça en fait aussi. Les réseaux sociaux, les machins, et c'est ça en fait. Donc si tu veux vraiment établir un vrai débat et lever les gens, enfin tirer les gens vers le haut sur ces débats, sur la place de la femme, sur le harcèlement, sur l'agression, sur les mains au cul, à un moment donné, il faut aussi montrer quelque chose de cohérent, et à la télé, et sur les réseaux sociaux. Et on est envahi par ces trucs-là. Moi, je sais pas, c'est des débats qui vont... C'est assez inquiétant, hein, d'ailleurs. Oui, il faut se poser en modèle, quand même, en tant que femme. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas... Là, on va pas se boutonner jusqu'au cou, là. Non, mais c'est vrai qu'il y a des modèles, là. Il y a des modèles aussi. Femme indépendante, libre, d'accord, ouais, mais... Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, qu'une femme comme Simone Veil, moi j'ai regardé un tout petit peu sa panthéonisation là, hier, mais mine de rien, c'est des femmes, en soi, c'est une centriste, en plus elle n'était pas vraiment ni de droite ni de gauche cette femme, elle était une humaniste, donc de toute façon par son vécu, elle n'avait pas envie d'être ni à droite ni à gauche, comme ça. Mais voilà, mais ça reste des modèles quand même, parce que son discours, et puis tu vois, elle aurait été... Quand tu vois les migrants aujourd'hui, mais je veux dire, elle aurait craché à la gueule de Macron. Quand c'est tu vrai. Peux, je veux dire, c'est, j'exagère, elle n'aurait peut-être pas fait ça parce qu'elle est très élégante. Mais voilà, ça me dépasse un peu. Et du coup, le militantisme, ça va au-delà de la politique, ça va au-delà de. Tu vois, c'est un truc très. T'es ancré dans la société et il y a des choses qui. Moi, ça me paraît. Du plus petit truc au. Voilà, tu marches dans la rue confortable, t'écrases le pied de quelqu'un, tu dis pardon, tu le fais pas. Bon, bah pour moi, déjà, ça c'est. Voilà, si tu dis excuse-moi, vous auriez pu dire pardon, c'est un acte militant. Moi là-dessus, je le fais beaucoup. Okay. Sauf qu'à un moment, tu te prends une baffe dans la gueule parce qu'on te dit bah ouais, mais moi, je fais ce que je veux et je te prends même moins dans la gueule. Bah ok, d'accord. Donc, comme tout le monde fait ce qu'il veut aujourd'hui, on arrive dans ce monde d'individualisme à mort, tout le monde est chacun pour sa gueule, trace ta route. Voilà, et donc voilà. Et être militant aujourd'hui, enfin. Être résistant aujourd'hui, c'est justement ne pas laisser faire ça. Et c'est dur, hein. C'est dur. Parce que c'est de prendre sa place aussi. En prenant sa place, on dérange et puis on remet en question des choses. En gardant la sienne, quoi. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, j'avais 10 questions de la fin. Mais comme vous connaissez, on va essayer de trouver un chemin pour peut-être trouver la même chose entre vous deux, ok? Une sorte d'osmose. Très bien. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Okay. Moi, on va pas qu'on s'écoute. Non, moi pas trop. Ok, si vous étiez un liquide, donc comme vous êtes dans le même... Là, il faut qu'on trouve une osmose, ouais, c'est ça? Exactement. Mais par les regards, comment on va faire? Non, mais vous seriez quoi, comme vous connaissez? Ah, moi je serais. Si je parle pour Marie. Non, pas du tout. Non, exemple, si c'est de l'eau, OK, puis elle c'est le vin. Ben là, laquelle aurait peut-être plus raison d'utiliser l'eau ou le vin, donc comme vous d'accord. êtes des amis. Un débat, tu veux qu'on crée un débat. Exactement. Oui, sur les 10 mots. Sur les 10 questions. D'accord. Alors si vous étiez un liquide. Je regarde jusqu'à l'heure il est parce que je vais chercher mon fils à l'école. Oui, d'accord. Si tu veux, je réponds pour nous en osmose. Ça va. En 15h14. Ah, ben moi c'est. Moi déjà, c'est j'arrête l'alcool alors, parce que je ne peux plus, là, je suis en surmenage total, donc ça ne me met pas la gueule. Mais moi, c'est l'eau, et l'eau la plus pure, je sais pas, une eau magique, là, qui te régénérerait. Qui me régénérerait. Et toi? Si j'étais un liquide, moi, ouais. Je serais un lait de soja vanille. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve ça super bon. Très frais, ouais. Ça ou un pulque au citron. Ça. Es-tu allergique au lactose? Non, mais j'en bois pas. Pour des raisons personnelles? Pourquoi? J'ai arrêté de boire du lait. Ouais. Ah. Alors voilà, on peut être en osmose parce que moi je suis végane. Oui. Et du coup, j'adhère complètement au lait de soja. Ok. Ouais. Donc, sans serait... OGM. Peut-être ajouter un peu d'eau dans son lait de soja. Mais d'ailleurs, ils en mettent, ils mettent de l'eau de source. Ok, bah alors voilà. Voilà. C'est ça, c'est moi j'aime bien l'eau magique aussi, l'eau avec les pouvoirs magiques. J'aime alors voilà. Si vous êtes une ville. Moi je serais Rome. Ah oui? Et allez, je te rejoins. Ah, parfait. Et voilà. Ok, c'est ça, des petits compromis. J'ai c'est pas mal. Si vous êtes une langue. Italien, moi. Italien? Et moi, j'ai envie d'apprendre l'italien. Ah, bah. Ah, bah voilà. Parfait. Ouais. Est-ce que tu parles un peu? Si, parlo italiano. Correntemente. OK. Quel est l'intérêt d'apprendre l'italien? Tu sais me parler de ce qui me plaît. Tu sais m'emmener où l'on ne va jamais. Tu sais deviner tout ce que je veux dire. Mais là, je trouverai les mots pour te retenir. Mais là, tu sais me parler de ce que je vaux. Tu peux me demander tout sans un mot. Voilà, tu sais deviner tout ce que je veux dire. Mais moi, je trouverai les mots pour te retenir. Ah, ah, ah, ah, ah. Cache au plus profond de moi, mon amour. Si je ne devais passer qu'un seul tour, je ne rentrerais pas chez moi, mon amour. Quand mon mauvais sang ne fait qu'un tour, je ne sais pas si je touche du doigt, mon amour. Laisse-moi te montrer un jour ce que je cache au plus profond. Je vaux. Tu peux me demander tout sans un mot. Voilà, tu sais deviner tout ce que je veux dire. Mais moi, je trouverai les mots pour te retenir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mon amour, laisse-moi te montrer un jour que je cache au plus profond de moi, mon amour. Si je ne devais passer qu'un seul tour, je ne rentrerais pas chez moi, mon amour. Un de tes mots vaut mieux qu'un long discours. Je ne sais pas si je touche du doigt, mon amour. Laisse-moi te montrer un jour ce que je cache au plus profond de moi. Alors l'intérêt a été que je voulais faire plaisir à mon père pour avoir un autre métier que comédienne, metteuse en scène. Voilà. Donc j'ai passé en fait un diplôme de traductrice, moi, délivré par le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs. Oh. Et j'ai une équivalence pour enseigner l'italien. Je peux l'enseigner dans les cursus privés, les instituts d'ailleurs français d'étrangers. Enfin, du coup, alors c'est ton deuxième boulot éventuellement. Ouais. Maintenant, maintenant, je le parlais beaucoup, je le parle moins quand même. Mais je lis toujours. Okay. J'ai toujours un livre italien par mois. Et toi, Marie-Hélène, pourquoi oh, mais l'italien, c'est une. C'est, je veux dire des clichés, mais c'est une langue chantante, une langue tellement. Tellement vivante, tellement. C'est généreuse. Moi, et j'adore puis tu ça. Tu ne parles pas encore. Non, je ne le parle pas, okay. Mais c'est ce que j'aime. Si vous étiez une époque. Oula. Tu veux qu'on aille c'était une époque. Moi, je vais répondre comme il y a 3 ans. Les années 50. Et tu t'en rappelles? Ouais. Ah oui? J'avais dit oui, les oui, 20, oui, c'est 30. Ça. Moi, j'ai 5 ans, je crois. 5 ans? 5 ans, ouais. Ok. J'aime bien le vintage, moi. J'aime bien, moi. Oh, moi aussi, j'aime bien le vintage. Si vous étiez un mot, oh, ben là, je sais pas, là, se centrer les deux sur un mot. Amour. Amour? Ah, ben c'est bien, c'est... Liberté, moi je dis. Liberté. Mais on peut trouver la liberté mais dans l'amour. Hein, exactement. Il y a de l'amour dans la liberté. Et l'un ne va pas sans l'autre, oui, d'ailleurs. Complètement. Oui, c'est vrai. Comment c'est trouver vrai. Sa liberté dans l'amour. C'est vrai. Si vous étiez un aliment. Moi, la salade. Ah oui? Ah, moi j'ose jamais. Ah ben toi, c'est salade. Bon. C'est eh ben alors on met dans ta salade, on mettra des amandes. Ok, ah ben oui, c'est bon. J'adore les amandes. Des oléagineux. Excellent. On est très graines. Oui. Avec, avec un bon verre d'eau. Avec voilà. Un verre d'eau trempé dans une. Dans une amande de lait de soja. Voilà. Ok, excellent. Alors on va faire une recette ici. Si vous étiez une saison. Le printemps, moi j'aime. Ben, moi, je suis... L'été là me va très bien et me sauve là, me... Oh, ah oui, la chaleur en ah, ce moment. Ah t'aimes ça avoir chaud? Ah, ben, non mais ah, oui, ben, en fait on n'a tellement pas tellement chaud, nous on est milieu tempéré. En fait cet été me ravit, c'est un ravissement depuis quelques jours. Mais le printemps c'est beau parce que c'est vrai que c'est là où tout est possible, c'est le début des culinaires. Voilà, ouais. Allez. En tout cas les beaux jours. Les beaux jours. Si vous étiez un membre corporel. Une main, moi je pense. Une main, j'avais. Hey, vous vous souvenez de la chanson La main gauche que je vous ai envoyée? C'est pas mal, hein? Je me rappelle plus. Non, je t'écris. Ouais, ouais. Elle est morte d'un cancer quelques mois après. Elle est morte très jeune, 38 ans. Ah ouais? Mmh, française. Mmh, mmh. C'est. Il y a une. Une réalisatrice qui est rendue montréalaise, mais qui était suisse, je crois, qui a fait Anne Trister. Comment elle s'appelle? Anne Trister? Oui. Non, moi, ouais, Anne Trister, ça c'est le film. Léa Poul. Elle l'a utilisé dans une. Un ah, peut-être, oui. Hey, Léa Poul, c'est extraordinaire si vous êtes branché, féminin. Ouais, d'accord. La main, ça me va. C'est la caresse, la main. Ouais. Alors, si vous étiez à un moment de la journée, mais pas l'apéro parce que madame a arrêté. Oui, mais quand même. Mais j'aime pourquoi, bien la pourquoi t'as arrêté? Elle a arrêté jusqu'à samedi parce qu'il y a non, plus de temps. Parce que je suis en surmenage total et que je me régénère. Est-ce que je peux laisser deux secondes? Excusez-moi, je fais un tour de l'aide. Je prends soin de moi en ce moment et l'alcool n'est pas très bon pour mon corps en ce moment. J'ai vraiment besoin de faire une pause de beaucoup de choses. Parce que à l'été, tu abuses un peu trop? Oui, normalement, oui. Okay. Parce que je suis quelqu'un de très. J'aime l'amitié, j'aime les apéros, j'aime tout ça, les bonnes choses. Mais là, en fait, j'ai eu une année assez fatigante quand même. Donc, et je suis fatiguée. Et donc, tu te rends compte que si tu ralentis, tu vas avoir plus de vitacité? Oui, là, j'ai besoin de me recentrer et de me nourrir d'autres choses. Ouais, là, je sens que je passe à... Là, c'est mon moment à moi. Là, cet été, là, je vais... Donc, voilà. Mais depuis 3 ans, est-ce que tu sens que ton évolution est de plus en plus intéressante? Oui. Est-ce qu'il y a plus de contrats, plus de... Oui, il y a plus de contrats. Mais il y a surtout plus de confiance. Okay. Ah oui? Malgré tout, même si j'ai parlé des doutes tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a surtout plus de détachement. Et ça, c'est pas mal, ça, de se détacher. Et mais le détachement vient de d'où, de quoi? D'un besoin de viscéral, d'un besoin... c'est mon corps qui parle, je m'écoute. Et, il parle beaucoup, ton corps? Énormément. Bah, je sais pas, alors, je l'écoute parce qu'il y a des douleurs, il y a des choses, il y a des qui se passent. Et j'essaie d'être à l'écoute de ça. Et de me dire, je ne suis peut-être pas dans la bonne direction. Okay. Certaines personnes... émettent aussi des ondes chez moi qui font que soit je me sens bien, soit je me sens pas bien, mais il faut que j'écoute mon corps. Et si mon corps me dit quelque chose, il faut que j'écoute. Mais certaines personnes vont te ramener. C'est une présence et je serai incapable d'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui me font du bien et il y en a d'autres non, alors que pourtant, c'est pas inintéressant, hein, mais je sais pas. Alors il faut trouver ses bons amis. Oui. Parce que quelquefois, ça peut te détruire. C'est ça. Ouais. Je fuis ça. Si tu étais un autre individu... Oh là là! Et ça, c'est pour la question à une comédienne. Oui, c'est quand même pas mal. Hein. Parce que moi, je ne... C'est un bonheur que d'incarner quelqu'un d'autre. Oui. C'est parce que ça peut être une forme de fuite. C'est ce que j'allais dire, ça. C'est une forme de fuite, mais ça fait tellement du bien de se décharger, de se poser dans un personnage et d'y mettre de soi, mais de s'oublier. Es-tu du genre à le porter avec toi à la maison? Est-ce que c'est des personnages qui sont trop forts? Non, mais elles m'apprennent beaucoup. Mais bon, c'est toutes les femmes que j'ai incarnées ces dernières années m'ont forgée. et font ce que je suis maintenant, et je peux pas l'oublier malgré tout. Mais c'est pas lourd à porter, c'est magnifique, au contraire, c'est couche, couche sur couche. Mais est-ce que c'est le métier qui fait en sorte que tu peux abandonner ces personnages? Au début, tu étais une jeune actrice qui voulait vivre constamment de tes... Moi, je crois que je suis pas quelqu'un de torturé. Okay. En fait, moi, je suis dans le jeu, je suis comme une gamine, je suis dans le jeu, donc je peux me défaire de ça. Je joue, puis après, je reviens à... Non, c'est un jeu. Mais tu m'as pas répondu. Si, ouais. Si tu étais un autre individu, donc tu vas pouvoir réfléchir pendant ce temps-là, Isabelle. Individu, non. Ou si tu veux... Connu ou pas connu? Ben, peu importe. Ouais. Ben, moi, un autre individu. Mais moi, ça me permet pas d'être Isabelle. OK. Ouais. Non, mais c'est ça l'émission. Non, mais parce que Isabelle, okay. C'est un enfer. Elle est belle, intelligente. Moi, je. Allez, Isabelle Loriot. Préparé, cassé dans le bas-côté, je regarde le monde tourner. Tout bas, je dépose les armes, me fais porter pâle pour ce combat. Vidé, les forces m'ont quitté, et ma respiration se joue de moi. J'ai besoin d'un arrêt, j'ai besoin qu'on ne me dise plus d'avancer. Me laisse en paix, et tant pis si je ne suis pas le premier. La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt. Défait, moi qui déjà me voyais médaillé riche et coiffé de laurier. Forfait, forcé de déclarer, de battre mon cœur s'est presque arrêté. Et contre-coup, ça fait peur de voir les autres passer. Pourtant, plus doux que je l'imaginais, le retrait montre un charme insoupçonné. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin qu'on ne me dise plus d'avancer, qu'on me laisse en paix. Et tant pis si je ne suis pas dans les premiers. La défaite aurait-elle un goût sucré? Trompé, si je m'étais trompé, que le bonheur était dans le fossé. Et si cet arrêt, et si cette pause faisait de moi le premier? Qu'importe le trophée, je crois que j'ai trouvé, ça tient en peu de choses. La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt. La ligne d'arrivée a perdu de son intérêt. Oh, la ligne d'arrivée a perdu de son intérêt. Parcours, accident de parcours, je n'y étais pas vraiment préparé. Planqué, planqué dans le fossé, je regarde le monde tourner. Et toi? Trop mignonne. Même pas Marie-Hélène. Non, mais je te conseille pas non plus. Non, moi, j'aimerais bien... Donc on va pas être dans l'osmose. Non. Oh, écoute, j'aimerais bien être juste une fois pour voir ce que ça fait d'être une femme de président de la République. Ok. Alors, une précisément une ou... Précisément, Michelle Obama. Ok. J'aimerais être juste deux jours la femme du président des États-Unis. Pas plus que mais deux pas jours. Trump. Hein, ok, ouais. Non, deux jours comme ça, histoire de voir un peu, de l'accompagner deux jours pour voir un peu ce que c'est au quotidien. Ouais. À choisir, est-ce que vous feriez le même chemin? Oh ouais, moi je pense que oui. Je ne changerais pas grand-chose. Non? Ouais, non. Et toi, Marie-Hélène? C'est une grande question, ça. Merci bien. Non, je crois pas que je changerais. De toute façon, changer pourquoi, c'est pas si mal, hein, franchement. Et il y a pire hein, dans la vie. Franchement, il suffit de regarder autour de soi. Je suis pas bien malheureuse au fond. De toute façon, il y a toujours des obstacles dans la vie. Il y a toujours des choses à. Donc non, il n'y a pas de regret, quoi. Pas de regret. C'est Béatrice Dalle qui dit ça en fait, c'est... j'aime beaucoup Béatrice Dalle. Hein. Ah oui pourquoi j'ai... Et c'est étrange je... Ouais c'est étrange, hein. Mais je ne désespère pas de travailler avec elle. Hein. Ah oui ouais. D'ailleurs on m'avait dit, écris quelque chose pour la faire jouer parce qu'elle elle aime bien aussi les projets un peu comme ça. Bah, Virginie Despentes l'a fait jouer dans beaucoup de projets. Elles sont très ouais. amies Virginie Despentes ouais, ouais, et ouais, Béatrice ouais, Dalle, ouais, donc, ça ne ouais, me donne ouais. pas elle vraiment. Elle était très bien dans ce film. Mais elle disait un truc... Ouais, que les gens qui s'envient, c'est vrai que c'est des gens qui n'ont rien d'autre à foutre dans la vie, en fait, d'envier. Et je sais que moi, je suis contente parce que finalement, j'envie pas grand monde. Ça m'arrive parfois de faire... Parce que quand tu commences à creuser puis à connaître l'autre personnage que tu as tué, ouais. ben, tu te rends compte que c'était non, pas puis, super possible. Ouais, puis finalement, enfin, en tout cas, avec le temps, puis, il m'arrive de dire « Ah ouais, si, j'aimerais bien. » Mais finalement, je trouve que c'est pas mal ce parcours-là. Ça se crédibilise d'année en année, moi j'aime bien. En fait, tu vois, il se passe des choses chaque année, un nouveau truc. Là, ouais, non, c'est bien. Et puis une reconnaissance quelque part. Alors évidemment, après. Puis ça, surtout, ça nous permet d'être ici encore, encore trois avec ans plus tard. Toi, après ça, après trois ans, c'est pas mal. Ah, c'est intéressant. Tout à fait. Et vous avez la même lignée pour le féminisme. Vous avez les mêmes convictions. C'est ça qui est merveilleux. Malgré tout, hein, la vie peut nous diminuer, la flamme peut être un peu moins forte, mais il ne faut jamais abandonner. C'est ça les combats. Bah ouais, moi je trouve que c'est sympa de travailler autour des femmes, en tout cas. Il y a du travail encore, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a du boulot quand même. C'est jamais terminé. On n'est pas seul au monde, hein. En fait, on s'aperçoit que il y a toujours quelque chose qui va se passer au fond et qu'il y a toujours des rencontres possibles et une rencontre amène à ça. Et ouais. C'est assez magique. Vous vous enrichissez de ces rencontres-là. Oui. Ouais. Ouais. C'est une des chances du métier quand même, ça, c'est chouette. Hein. C'est vrai, hein, si on est connu de ne pas être le matin, tu vois, d'aller badger. C'est sûr que c'est pas payant, mais c'est payant intérieurement. Ouais, c'est payant. Le côté humaniste est très payant, mais le côté monétaire, économique. Après, c'est connu, hein, c'est tous ces métiers qui. Voilà, c'est un noyau qui gagne vraiment beaucoup d'argent. Et les autres rêves à côté. Après, au théâtre, en plus, bon, déjà, c'est pour ça qu'on on fait des choses par ailleurs un peu, tu vois, on tourne dans des petits trucs et tout ça, on est obligé, mais c'est. Mais bon, ceci dit, je vois aussi avec le Pacte des Sœurs, par exemple, quand je reprends les dates qui se sont faites et ce qui va nous arriver, je me dis, ouais, mais il y a quand même, il se passe quelque chose. Faut pas abandonner. Après, c'est sûr que l'argent, voilà, ceux qui peuvent en donnent, mais ça, malheureusement, je sais pas comment ça va pouvoir changer. C'est dur. Pour vendre un spectacle. C'est dur. Parce que tu sais, même les têtes d'affiche galèrent. Ouais. Au théâtre. Ouais. Imagine. Sauf qu'une tête d'affiche au théâtre peut avoir un téléfilm pendant 4 semaines et gagner. Ce qu'on va gagner d'ailleurs, le prix d'un spectacle au théâtre vaut la journée de tournage d'un acteur parfois. Ah, hein, ouais, c'est fou. Et encore. C'est fou. Mais c'est vrai que c'est une certaine liberté quand même ce métier. Ouais. Mine de rien. Ouais. Les rencontres, tout ça, c'est assez chouette. Très enrichissant en fait. Après, on a un statut qui est encore à peu près protégé. Les intermittents, il faut que ça dure, quoi. Et que s'il disparaît, que... En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ne... Si sans cette aide, seront obligés de changer complètement de... Ouais, d'avoir un plan voilà. B. Et sauf que, bon, j'ai 41 ans et je vais pas changer... J'aurai pas un plan B à 70 berges, mais... Ouais. Moi, j'ai né plan B, hein. Voilà. Ah. Moi, je me vois très bien. Bon, à chaque fois, je me dis ça. Hein. J'ai des chambres d'hôtes, en sud de la France. Pourquoi pas? Ok, c'est bien. Je suis très heureuse comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Et surtout que tu rencontres des gens quand ouais. c'est... Moi, en fait, c'est des choses comme ça que je pense que je pense qu'il y a quand même une vie ailleurs aussi. Sauf que, bon, à chaque fois, on est rattrapé par ces rencontres et par tout ça et qu'on on lâche pas parce qu'il se passe toujours quelque chose. Quand on veut partir, ça nous ramène. Mais oui, ouais. Exactement. C'est au moment où on lâche. Il y a des choses qui reviennent, ouais. Mais c'est souvent, mais dans tout contexte. Dans tout. C'est incroyable ça d'ailleurs, c'est ça vrai. Se vérifie. C'est beaucoup. Vrai. On termine par les photos, comme d'habitude. Oui, Non mais veux-tu garder tes lunettes, ce serait cool. Ah oui, je vais garder mes lunettes. Excellent. Ah oui. Ah, toi, t'en as pas de lunettes? Alors moi, j'ai en fait, c'est la climatisation qui me rend malade, j'ai mal à la gorge. Ah, je pensais, moi, c'était des allergies, ça peut être ça aussi. Moi aussi, la gorge. Tout, quand un a quelque chose, l'autre veut l'avoir, c'est ça? C'est ça, il y a c'est à force de se côtoyer. Ah ben voilà. Ben voilà. Bon, j'ai changé ma carte parce que j'avais un problème de carte. Et là, j'espère de récupérer les autres photos que j'ai prises. En tout cas, ça, c'est une histoire. OK. Et bon, hein, comme je dis souvent, ça veillera pas tard. Ça veillera pas tard. Non, mais non, mais parce que je te dis, j'ai mal dormi, il est trop chaud. Eh bien, moi, je dors très mal. Et la clim, là, ça m'a tellement... Ah oui. Là, il faut se regrouper, OK? Merci. Attends. Attention, on se regroupe. On se regroupe. OK, on en prend quelques-unes. Ben oui. OK, comme d'habitude. OK, merci. OK. Il dit, mais il a retiré en même temps. Merci, Rémi. Ah, c'est toujours cool de vous rencontrer, les filles. Hein. Vous êtes, vous êtes inspirantes. C'est toujours cool que tu suives le travail des artistes. Il ne faut pas abandonner. Je suis un peu molle aujourd'hui. Hein. Je suis un peu en plein pli. À cause de... Mais là, c'est bien, c'est respirable. C'est bien, là. C'est un bon endroit, le chinon, tu vois. Je suis passée devant tout à l'heure, d'ailleurs. Et tu m'as vu? Non, je t'ai pas vu. Tu n'étais pas là encore. Parce que j'étais là 15 minutes avant. Ah ben, t'étais pas là? Non, j'étais là. Ah ouais, je veux pas quand même. Moi, 15 minutes après. Je suis passée, j'ai appelé Miyasan, je suis revenue, c'était au Sancerre. Ah, au Sancerre, voilà, je me voyais au fond. Ouais, exact, à l'intérieur. Très brillant, je m'en rappelle. Il faut bien qu'on s'en sert. Et c'était pas l'année dernière. Seul dans cette campagne infinie, je fuis. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet de l'homme que je ne suis pas. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le reflet de l'homme que je ne suis pas. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.